Jésus a parlé, je veux croire que tout il lutte pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je vais croire que je peux lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voie, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je m'aimais confiance en Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je m'aimais confiance en Jésus-Christ. Sauf je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Comme m'appelle le ciel ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu chose mortelle, viendez-vous, je prendrai les ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt à Dieu chose mortelle, loin de vos jours prendez les ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vos jours prendez les ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Ici même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je m'aimais en payance en Jésus-Christ. Ici même dans la souffrance, mon cœur me parle l'espérance, c'est que je m'aimais qu'en payance en Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire en Jésus-Christ. Jésus parla, Jésus en parlait. Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier avec toi, mélodie à sa gloire qui me relève dans mes chutes. Je peux glisser, je peux trébucher, il peut m'arriver de tomber, mais d'où viendra la force pour vaincre la peur, vaincre la honte, reprendre le courage, courir plus fort qu'avant. C'est de Jésus-Christ que tout cela. Comme il est écrit dans la Bible, qui es-tu toi qui juge le serviteur de Dieu? Qu'il tombe ou qu'il se relève, je la regarde son maître. Amen. Tant que tu as ce maître, tu ne crains rien. Advienne que pourra, tu seras debout. Lui, c'est ce qu'il a dit, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il y a des choses et des choses, des malheurs et des catastrophes qui sont annoncées dans la profession. Mais pour avoir la force d'échapper à tout ça, le maître a dit, veillez et priez en tout temps. Et quand vous aurez la force d'échapper, et ce sera par l'enlèvement, la puissance de l'enlèvement s'emparera de vous. La foi de l'enlèvement vous sera donnée. Vous échapperez à coup sûr. Et quand le Fils de l'homme viendra donc, vous paraîtrez debout devant lui. Non pas debout selon notre imaginaire, mais debout à ses yeux. Lui, en revenant, vous verra debout. Et vous reconnaîtra debout. Même si les situations de votre vie sont autres, mais le juge suprême, qui a le dernier mot, qui apprécie mieux que quiconque, au-dessus de qui il y a personne, lui qui tranche, il dira, celui-ci est debout. Celui-là est debout. Et alors, il le prendra avec. Quel bonheur. Quel bonheur ce jour-là, de tenir dans ses bras éternels le bouclier le plus dur, la sécurité la plus éternelle. Ce qu'elle lui dit, c'est ce qui fait trembler le cœur. Les dires des hommes, la philosophie des hommes, les analyses des hommes, les commentaires des hommes, cela ne nous ébranle pas. Nous tremblons devant les paroles du Seigneur. Parce que quand lui parle, les effets suivront. Tiens-toi debout. Sois fort en prière. Veille, sois vigilant. Nous prions, Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te remercions pour ce moment où nos cœurs se tiennent devant toi et te parlent continuellement, car c'est une journée de prière et une soirée d'adoration et prière. Chacun s'est exprimé devant toi. Maintenant, Seigneur, en retour, dis-nous quelque chose. Et une petite exhortation, ciblant les cœurs, qu'elle puisse mettre l'impact surnaturel sur notre vie, pour chasser le formalisme, pour chasser la complaisance, pour chasser les découragements, et pour donner une force nouvelle dans les voyages de la terre à la gloire. Sois béni éternellement pour tout bien faire. Dont nous sommes bénéficiaires. D'autres nous les savons. D'autres ne le savent pas, mais c'est toi qui le fais. Tu fais tout à merveille, et c'est à notre profit. Parle à chaque cœur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Ici, dans 2 Corinthiens chapitre 11, nous prenons le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. La bina jali n'amposa monene po na bino loko l'amposa nanzambe. Na bali si bino epai na mobali moko ete, na komi sabino epai na Christo loko la moseka na libala. Cantique de Cantique, chapitre 5. Nous prenons le verset 4. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Et mes entrailles se sont émues pour lui. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Je vais vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une soirée de prière et d'adoration. Et pour nous, c'est de passer beaucoup de temps dans la prière. C'est chargeant nos âmes et nos cœurs, parlant avec lui instamment, communiant vraiment, recevant de sa part inspiration, onction, force et encouragement. Car Dieu traite avec ses croyants. Dieu traite avec ses fidèles. Et la prière est l'un des meilleurs moments. Comme disent les paroles d'un chant, la prière est une puissance. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière est une puissance. La prière, c'est la solution. Oui, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien. Oui, avec son Dieu, prier. La prière est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien, oui, avec son Dieu. La prière déploie un corridor autour de nous. Ça fait construire un mur d'airain autour de nous. Et peut jouer le rôle d'antibale. Comme cette sœur-là qui était en atmosphère de prière. Les militaires sont venus. Tout le monde a pris la fuite, mais elle reste fermée en l'air. Elle prie, parler avec son Dieu. Elle n'est pas occupée de son lit. Les impressions environnementales. Ce qui s'est passé autour d'elle. Bien qu'elle se soit retrouvée toute seule. Elle est demeurée connectée à Dieu. Ces militaires vont dire, voilà, Zoba Koyo. Donc, on continue à l'ombangou na Lilita. D'ailleurs, nous autres, nous avons pas la cacao. ils ont ouvert. Elle les met en l'air, adorant le Seigneur Jésus. Et ils les ont tirés. Ils ont vidé leurs chargeurs. Aucune balle n'a attrapé la sœur. Non pas parce qu'elle était une maïmaï. Non, elle était croyante au Dieu vivant. Et la prière de la foi de la Bible est agissante. Et la prière de la foi a une grande efficacité. Quand tu pries avec foi, l'efficacité est assurée. Alors, au lieu qu'elle ait peur d'écrire une balle, comme souvent les militaires, les hommes armés nous prennent pour leur domination, parce que la chose qu'ils tiennent à la main là, ça veut dire la mort à tout instant pour vous. Un jour, j'écoutais un magistrat qui parlait, il était là avec d'autres magistrats, il racontait une histoire qui leur est arrivée à l'est du pays. Mais chers amis, devant l'arme, on devient très discipliné. La discipline devient totale. Si on ne fait pas peut-être une compréhension vite, Va faire rire, mais c'est une réalité. Mais au lieu que cette sœur ait peur, elle savait à qui elle était connectée. Elle s'en est foutue de ce qu'il disait. Ils ont vidé leur chargeur. Ils se sont regardés. C'est un PV. Ils ont jeté les armes, ils ont pris la fille. En regardant de temps à autre, qu'est-ce qu'elle ne suit pas? Elle ne serait pas en train de nous suivre. C'est ce qu'on appelle la peur qui change de camp. Elle était dans le camp des civils non armés. Mais elle s'est battue celui qui était armé. La foi doit chasser la peur. La peur doit aller du côté des démons. Par contre, toi et les démons, qui a reçu l'ordre de chasser l'autre? Qui a reçu l'ordre de chasser l'autre? Qui a reçu autorité sur l'autre? Non, répondez. Boyanola. Mais alors, maintenant vous avez peur de qui? Même si c'est un sorcier, 252 malins. D'un côté, raconte seulement celui-là, c'est un sorcier, 252 malins. Vous m'avez fait au premier dans le souci. Au tali des fois, il y a bon? Est-ce qu'il n'est pas entré de ma sorcellerie peut-être? Il n'est pas cela peut-être qu'il fait des choses que moi je ne vois pas. Mais t'imagines rien. Entre toi et lui, c'est toi qui as l'autorité. Entre toi et lui, c'est toi qui as la domination. Toi qui as la foi. Qui a foi en Dieu. Tu es plus fort. Et les forces des ténèbres te craignent. Prends conscience. Et fais confiance. La prière est une puissance. La prière, c'est la solution au problème. Et la prière est un dialogue. C'est un chrétien avec Dieu. Maintenant, nous avons lu des passages bibliques ici. Le premier dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Pas une jalousie païenne. D'iniquité. D'un cœur qui n'a pas confiance, qui manque d'amour. Qui ne s'imagine que le mal, qui ne voit que le mal, qui ne voit dans les autres que le mal, dans les gestes que les mauvaises intentions. Pas cette sale jalousie-là. Mais Paul était jaloux de l'église. Jalousie par pire amour et par objectif divin. Il devait voir cet objectif sont réalisées. Je suis jaloux de vous. Une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à Christ. Ça s'adresse à quelqu'un. Pour vous présenter à lui comme une vierge pure. Ceci s'adresse à quelqu'un. L'église fiancée de Christ. Ceci s'adresse à un organisme composé d'hommes et de femmes. Et c'est l'église fiancée de Christ. Il s'attend à son mariage avec Christ. Il se prépare à son mariage avec Christ. Qui vit sur la terre des humains. Mais qui ne vit pas comme le reste des humains. Qui se distingue par son caractère. Parce que Dieu l'a choisi pour son caractère. Ne choisit pas sur base des apparences. Je choisis sur base du caractère. C'est le caractère que l'église doit avoir. C'est le caractère de la parole. Le caractère que la parole nous inculque, nous enseigne. Le caractère auquel la parole nous entraîne. C'est justement ce caractère. Qui dit amen. L'église fiancée de Christ. Parlons d'elle pendant ces quelques minutes. L'église fiancée de Christ. Elle s'attend à un grand événement. C'est le retour de l'époux. Et nous partirons à sa rencontre. Un départ soudain et secret. Mais elle doit être prête cette église. Nous avons entendu la semaine passée. Sans la préparation. Nous avons entendu la semaine passée. Personne ne sera prêt pour l'enlèvement. Parce que tout le monde qui veut participer à l'enlèvement doit se préparer. L'église fiancée de Christ doit aussi se préparer. Dans Apocalypse 19, le verset 7, il dit ceci. Cieux et habitants des cieux, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Elle devait le faire. Elle doit le faire. Elle devra le faire. La préparation. Les cieux et les habitants des cieux devaient se réjouir. Car les noces de l'agneau vont venir. Les noces de l'agneau se tiendront là au ciel. Le mariage de l'agneau avec son église épouse aura effectivement lieu au ciel. Un de ces quatre matins, l'enlèvement se produira pour nous conduire là-bas. Gloire au Seigneur. Un de ces quatre matins, l'enlèvement tant vanté, tant enseigné, tant prêché, deviendra enfin une réalité vécue. Ils seront prêts, entreront. Et la salle des noces sera fermée. L'agneau qui est Jésus-Christ célébrera alors son mariage avec l'église qui est son épouse. Heureux et saints ceux qui sont invités à ce festival. Qui dit amen. Heureux et saints ceux qui sont invités à ce festival. Vous êtes les bienheureux. Un groupe privilégié. L'église fiancée de Christ. Et Paul l'a fait, il a dit. Je vous ai fiancé à un seul. Pour vous présenter à Christ. Comme une vierge pure. Pure non pas à ses yeux. Mais pure aux yeux de Christ. Le juge qui sanctifie. Le juge qui a le dernier mot. Vierge pure. Et quand cette vierge s'exprime à travers le cantique des cantiques, ce n'était pas qu'une chanson que Salomon chantait. C'était la parole prophétique. C'était l'expérience de vie chrétienne. Là, dans le cantique des cantiques au chapitre 5, nous avons lu, qu'est-ce que l'épouse dit au sujet de son époux? Fiancé de Christ. Verset 4. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtres. Il a fait ainsi. Mais parce qu'elle veillait. Parce qu'elle ne dormait pas. Comme le reste des vierges endormies. Comme le reste des femmes du monde. Comme le reste des hommes et des femmes. Elle était en pièce. Mais elle veillait comme Marie le prie. Veillait et priait en tout temps. L'église fiancée de Christ. C'est ce qu'elle fait et c'est comme ça qu'elle vit. De sorte que quand l'époux est passé par la fenêtre, il n'a même pas choqué. Mais il a passé un signe de main. Juste comme une ombre qui est. Cette église a appréhendé ça. Le petit geste de rien. Qui serait insignifiant. Et dont le passant pourrait dire, mais c'est là qu'est-ce qu'il fait la fenêtre. Là, pour le pas un voleur qui cherche à casser pour aller voler. Oui, Christ, quand il va venir, il va revenir comme un voleur. Mes chers amis, mais l'église sera prête. Elle ne le confondra pas. À un malfrat. Un criminel, mais elle le reconnaîtra. Parce que c'est de lui qu'elle a entendu la voix. Depuis les fiançailles jusqu'à la mort. Mes brebis connaissent ma voix. Quand l'époux reviendra, même si ce sera comme un voleur, mais il ne sera pas un voleur. Amen. Il passait par la fenêtre. Il a fait ainsi. Et puis il s'en est allé. C'était juste ainsi. Une apparition. N'est-ce pas? Bongo. Et en ce temps de la fin, le Seigneur, le fiancé de l'église, le fiancé de Christ, il est apparu. C'était un signe par la fenêtre. Et le signe a été appréhendé par l'église fiancée de Christ. L'apparition du Seigneur. Depuis que l'église a vu ça, elle est en émoi. Elle sait que d'un moment à l'autre c'est fini. Le système de choses de la terre finit. Adieu à Dieu. Comme on a chanté, bientôt à Dieu. Toutes ces choses du monde. Bientôt à Dieu. Loin de vous, chose du monde. Loin de vous, je prendrai des ailes. Vers les demeures éternelles. Vers les demeures éternelles. Bientôt c'est bye bye. Adieu. Christ est apparu sous le ministère du prophète envoyé William Branham. Il a fait signe de sa présence. Il sera déclenché du courant dans le cœur de cette église. Le même Christ qui était apparu sur le chemin de Damas. Paul, il a envoyé. Et que lui a présenté. Il a fiancé l'église. Le croyant à Christ. Le même Christ est apparu à William Branham. Et il a envoyé. Pour annoncer et préparer son retour. Béni soit le nom du Seigneur. L'église qui a vu le signe ne peut plus se permettre de dormir. Même si les gardes qui font la veille à travers la ville sont en train de la battre et de faire des choses. Mais elle sait qu'elle a un fiancé. Les gardiens ne sont pas le fiancé de l'église. Le prédicateur qui torture l'église avec des faux enseignements. Bon, ma église, j'en ai mal à qui ça m'a bien. Ils nous racontent des bêtises, mais c'est mérité. Oh, ils ont été démasqués ici. Bango, vas-y pour la mi-awa. Voilà, prenez Cantique de Cantique, chapitre 5, là, verset 4. Mitano, mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Parce que c'était son retour. Il est là. Ce n'était pas encore son retour. C'était un signe. Il apparaît. Son retour est encore attendu. Il va effectivement venir. Mais il a fait un signe par la fenêtre. On l'a vu partiellement. On n'a pas vu complètement. Et vous avez vu sa barbe. Vous avez vu ses yeux. Mais vous n'avez pas vu sa poitrine. Vous n'avez pas vu son ventre. Vous n'avez pas vu ses jambes. On a vu que ses yeux, on a vu sa barbe, on a vu les cheveux de sa tête, et son nez. C'était par la fenêtre. Mais il n'est pas venu au complet. Et c'est vous là? Parce que ça c'était une apparition. C'est lui qui est apparu là. Reviendra au petit matin. Au lever du soleil. Il sera de nouveau là. Et vous le verrez entièrement. Pas une photo, mais la personne. Êtes-vous heureux de le savoir? Qu'est-ce que l'épouse dit? Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains, à dégoûter la mire. Et mes doigts, de mes doigts, la mire s'est répandue sur la poignée du verrou. Il y a les signes qui ont commencé à se succéder. Lui-même n'était plus là. Physiquement pas là. Mais les signes de sa présence continuent. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé, ça n'était allé. Il avait disparu. Je sais pas ce qui s'est passé au temps de la fin. Il avait disparu. Et ceux qui sont distraits, qu'on soit en train de raconter qu'il est déjà venu. Ils confondent tout. Mais la véritable église du fiancé de Christ. Et attend les jours. Elle attend le vrai moment. Elle sait que l'époux qui était apparu a déjà disparu. Face au physique. Mais le signe de sa présence, c'est mille fois. Preuve de son amour pour nos âmes. J'ai ouvert mon bien-aimé, mais mon bien-aimé, ça n'était pas allé. Il avait disparu. J'avais les souffles coupés. Ah, mais c'était lui. On irait pas m'accueillir. Mais quand il m'est parlé, c'est comme c'est dit aussi, j'étais hors de moi quand il me parlait. J'étais hors de moi. Il nous sort de la carcasse naturelle. Il nous sort de la routine terrestre. Il nous sort de nos problèmes qui nous engouffrent. Et il nous donne la joie du salut. Il nous donne le bonheur de marcher avec lui. Même si tout sur terre est contre nous. J'étais hors de moi quand il me parlait. L'église fiancée de Christ. Sa parole nous exalte. Sa parole nous élève. Dans les lieux célestes. Sa parole a un grand impact sur nous. Sa parole nous change en vérité. Elle produit une autre atmosphère autour de nos personnes. Elle nous convainc d'une autre réalité de vie. Plus fort que nos épreuves. Plus fort que nos combats. C'est sa voix qui nous amène là. Qui élève nos âmes dans le sous naturel. Oh frère, qu'il en soit ici pour toi, hein? Que sa parole ne soit pas de vain discours, mais que ce soit une puissance qui t'élève, qui te fait oublier les affres de la terre, qui te fait oublier les échecs de la terre, qui te fait oublier les épreuves de la vie, et qui rend ton Dieu évident, manifeste face à toi, qui te fait mettre Jésus sur la scène. Ça le rend plus réel pour toi. toi. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. J'étais hors de moi quand il me parlait. C'est vrai, il est tellement surnaturel que ça parle pas de ses fesses. Je l'ai cherché. Et je ne l'ai pas trouvé. Physiquement. Non plus. Je l'ai appelé. Et il ne m'a point répondu. Physiquement. Il n'est pas là. Les gardes qui font la ronde dans la ville. Les gardes qui font la ronde dans la ville, ce sont ces gardes. Ils sont des gardiens de troupeaux. Des gardiens de troupeaux, des gardiens de brebis. Des groupes de gens. Les conducteurs de fidèles, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Oh, l'église fiancée de Christ. Une fois vous êtes la proie de malfaiteurs. Mais Dieu a son plan pour vos âmes. Et les autres sont là pour vous achoper. Il y en a d'autres qui sont les bases télévisées. Qui correspondent à ce que Dieu veut que vous soyez. Qui s'acquitteront de leur devoir face à vos âmes. Sans vous faire du mal. Mais quand vous prenez le gardien en général, il rencontre l'église, commence à frapper l'église. Un fouet de fausse doctrine. Et là, il y a un mensonge raconté. Oh, l'église du Seigneur est persécutée. Oh, ceux-là qui sont censés même l'édifier. Les prédicateurs. Les gardes qui font la ronde dans la ville. M'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. L'église fiancée de Christ. Ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes des murs. Attends, voilà. Alors, verset 8 dit, je vous en conjure, l'église de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. L'amour dont mon bien-aimé m'a aimé, bolingo, au point de livrer sa vie au calvaire, pour que mon âme soit rachetée. Les gardes qui font la ronde dans la ville ne m'offrent pas cet amour. Les prédicateurs qui m'apprêchent ne m'offrent pas cet amour. L'église fiancée de Christ. L'amour parfait de Dieu. Il est devenu si rare sur la terre, même dans les églises. Et le dit que cet amour ne se retrouvera que dans la minorité des églises. Plus nous approchons du retour de Christ, le pire amour divin. Comme le Seigneur a dit, la charité du plus grand nombre s'est refroidie. Mais celui qui perd persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est vrai. Matthieu 24, le verset 12. L'accroissement de l'iniquité étouffe l'amour divin. Mais l'église de Christ, la fiancée de Christ, qui sait qu'elle l'aime parce que lui l'a aimé le premier. Elle a une expérience de ce que c'est l'amour authentique. Qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui se sacrifie pour le sauver. L'église connaît cet amour. Parce que c'est de lui qu'elle l'a appris. Alors, elle dit maintenant, parce que les gardes qui devaient prêcher par l'exemple, ils finissent par frapper l'église. Ils ont blessé l'église. La pauvre fiancée de Christ. Elle est tourmentée sur la terre. Par ceux-là même qui devaient l'édifier. Alors, on dit aux filles de Jérusalem, si vous rencontrez mon bien-aimé, ce que vous le trouverez, que lui direz-vous? Je suis malade d'amour. Cet amour-là, que lui m'a appris, cet amour-là, que lui m'a donné, cet amour-là, que Christ m'a montré, prêtres. Je ne les vois pas même dans les gars. Même dans les prédicateurs. Ils suivent que les intérêts. Ils s'attachent aux gens pour les biens matériels. Ils sont les ouvriers du ventre. Ils cherchent les biens matériels. Mais c'est amour divin. Que Christ mon époux m'a pris. Que mon fils m'a montré. Que j'en suis malade. Tu verras celui que tu avais aimé sans l'avoir. Quand l'explosion sera, un jour bientôt dans les cieux, l'église fiancée de Christ rapportera physiquement sur les pauvres. Vous oublierez toutes les tortures dont les prédicateurs vous ont fait souffrir. Et alors lui-même l'époux essuiera les larmes de vos yeux. Il le fera lui-même. Il vous prendra par la main. Voyez là, comme on les chantera. Il y a un jour qui vient où le chagrin ne sera plus. Ni douleur, ni séparation, ni la mort, ni la vieillesse. Plus de douleur dans les cieux. Tout sera parfait pour l'éternité. Auquel jour ce sera quand je verrai mon Jésus, je contemplerai sa face, lui qui m'a sauvé par sa grâce. Il me prendra par la main, me conduira à son lit. Auquel jour glorieux jour sera. Nous ne les chantons pas en vain. C'est un moment si proche. Nous quitterons toutes les affres de la terre. Tout restera. Lui-même essuiera les larmes de nos yeux. Et nous dit que les choses anciennes ne reviendront plus. Elles seront oubliées. Et il nous conduira vers le tabernacle d'éternité avec lui. Et la voix retentira pour nous. Il habitera lui-même au milieu d'eux. Il sera leur Dieu. Ils seront son peuple. C'est lui qui vaincra héritera. Voulez-vous vaincre? Que Dieu te fasse grâce. Écoutez ce que dit Frère Branham ici. En accord avec cette église fiancée de Christ. Il dit ceci, dans les temps et les signes de l'union. Les temps et les signes de l'union. Du 18 août 1903. Les paragraphes 113 à 115. Mais l'église, l'épouse, est unie par un seul Dieu sous un seul esprit. Elle est unie par un seul Dieu sous un seul esprit. Qui est l'Esprit de Dieu. Dans une sainte union de Dieu. Afin d'être une sainte épouse pour Dieu. C'est vrai. Solo. Tous ensemble, Banselongo. L'unité du corps. Bomoko yanzoto. Le corps attend comme une épouse. Puisqu'elle est l'épouse, puisque nous disons être l'épouse. Pour ce temps de l'union de l'épouse, l'église s'unit étroitement. Si étroitement. Cela devrait créer entre nous tellement d'amour au point qu'il nous soit difficile d'être éloignés les uns des autres. Ce que Dieu est en train de faire, agissant dans son église, faisant des signes de sa présence, produisant du surnaturel, tout cela devrait créer parmi nous un amour tel que nous soit difficile de supporter d'être éloigné les gens. C'est vrai. On n'a pas besoin de supplier les gens de prier. Tellement unis dans cette force d'amour dont nous sommes malades. Dont nous sommes malades. L'église fiancée de Christ. Elle est malade d'amour de la vie. On n'a pas besoin de supplier les gens de prier. On n'a pas besoin de les supplier d'adorer Dieu. Non, c'est une vie à eux. Leur époux fait des signes. Et cela les met dans un état de vibration complète. Quand il a fait un signe par la fenêtre, mes entrailles se sont émis pour lui. Nous sommes tous ningani. Nous autres côté courant. Bolimo encore. Voyez-vous ce que ça fait? Lorsque le Seigneur produit un signe, en accord avec la parole prophétique, il a compris quelque chose. Une écriture sur la miraille. Cela doit nous mettre en vibration pour attendre son apparition, son retour à tout instant. On n'a pas besoin de supplier les gens de prier. On n'a pas besoin de les supplier d'adorer Dieu. On n'a pas besoin de les supplier de faire ce qui est bien. Ils sont tellement amoureux de lui que rien d'autre ne compte. Frères et sœurs, c'est ce que nous devrions dire. Mais nous sommes malades. Tu te connais d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui te manque ici? Qu'est-ce qui nous manque ici? Voyez ça? On ne doit pas nous supplier pour prier. Nous supplier pour adorer Dieu. Pourquoi l'effectif de l'église est toujours moindre quand c'est le jour d'adoration? Mais les autres jours, ah oui, on est là. Quand c'est l'adoration, on est souvent dans le nombre. Que penseriez-vous d'une petite fille? Une très jolie petite fille qui va épouser un beau jeune homme dont elle est follement amoureuse. Cela a plus d'importance que sa propre vie. Et elle sait bien qu'ils vont se marier. Église fiancée de Christ. Elle doit savoir aussi que bientôt elle va se marier. Alors que ce jour de mariage approche, cette petite amie, je vous l'assure, elle ne se tient plus en place. Elle peut se retrouver hors d'elle. Plus on écoute la parole, plus la parole nous met hors de nous. Hors de notre moi traditionnel. Hors de notre moi égoïste. Comme devrait l'être la fiancée de Christ. Comme si dans le naturel aussi. Plus les jours du mariage approchent, la fiancée ne se tient plus en place. Elle sera souvent hors d'elle. Elle doit se donner, parce qu'elle sait que bientôt elle va changer de voisin. Bientôt elle va changer de maison. Bientôt elle va changer le cadre de vie. Bientôt elle commencera une nouvelle vie. Comment ça sera? Et on se pose des questions. Et alors on avance quand même. On veut que les jours se produisent. Que les moments s'accomplissent. Et que les nouvelles réalités commencent. C'est pas comme ça. Elle ne s'était plus en place. Voyez, il apprête tout Et elle s'abandonne entièrement à lui. C'est ce que l'église doit faire maintenant. Plus les jours approchent. Après, elle ne voudra faire que quelque chose qui lui ferait plaisir. C'est pas le moment de créer des scandales. Quand le mariage approche, on va blesser les sentiments du fiancé. On doit se montrer plus ange qu'au début. Elle voudra, il ne voudra faire que quelque chose qui lui ferait du plaisir. Nous devrions faire ça pour Christ. Hein? Chaque jour, ne faire que ce qui lui plaira. Pour que davantage je rassure, oh, elle est la mienne, elle est la mienne. Ça devrait être ainsi avec l'église. Notre vie devrait être vraiment cachée en Dieu. Elle est là par le Saint-Esprit. Ce que je vous ai enseigné, je vous parle de ces signes et de ces différentes choses qui sont en train de se produire. Ces derniers jours, ne faisons-nous pas la même chose? Ne sommes-nous pas en train de vous parler de ces signes? Des choses qui sont en train de s'accomplir. Et nous vous enseignons. Je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Je le ferai dans un autre message. Si le Seigneur le veut. Mais il y a encore une petite chose qui manque dans l'église. Ça, nous voulons y venir. Et je suis sur le point de le faire maintenant. Voyez, nous voulons y venir. Vous devez le faire. Vous ne le faites pas. Vous devez le faire. Un point. Regardez, le temps de l'union est proche. Car Dieu est en train de rassembler l'église pour produire un enlèvement. Tu crois ça comme ça? Dieu est en train de rassembler l'église pour produire un enlèvement. Participez à ce rassemblement. Faites partie de ce rassemblement. N'évoluez pas en singleton. Ne vous isolez pas vous-même. Mais soyez dans la dynamique surnaturelle. Ensemble avec le premier Seigneur. Avec l'église fiancée de Christ. Dieu est en train de rassembler l'église pour produire un enlèvement. Afin qu'elle aille au mariage pour la grande église. Afin que l'église fiancée de Christ aille. Où ça? Oh. Qu'elle aille au mariage pour la grande union. Quand Dieu et l'homme s'uniront pour l'éternité. Quand les créatures du temps s'uniront avec les lieux éternels. C'est un grand rendez-vous, je vous annonce. L'église fiancée de Christ doit se préparer. Elle doit apprêter tout. Elle doit s'abandonner complètement à Christ. Si vous ne le faites pas, faites-le. Si vous n'avez pas encore essayé, commencez. Nous devons nous abandonner à lui. Complètement, totalement. Avez-vous aimé l'exhortation? Amen. Ceci doit nous aider. Chaque jour, l'avenir du Seigneur est plus proche. Alors nous devons nous apprêter tout. Ne rien négliger. Pour paraître debout. Saint. Et pire devant lui. C'est la préoccupation de l'évangile. Ça doit devenir la priorité de nos cœurs. L'église fiancée de Christ. Il ira bientôt au mariage. Par l'enlèvement, il ira là-bas au mariage. Au nom c'est de l'agneau. Elle doit s'être elle-même préparée. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse c'est elle-même préparée. La préparation est personnelle. Elle est individuelle. Chacun doit prendre ça au sérieux. Personne ne doit se préparer à votre place. Chacun de nous doit se préparer soi-même. Que Dieu vous bénisse. Que nous nous devons maintenant pour la prière. Alors, nous prenons le cantique concernant numéro 204. page 64. Kasa tukumoto bana mine. Chacun à notre science, c'est Christ. Il est ta fiancé, toi frère, toi sœur. Et il viendra te chercher. Pour t'amener aux noces de l'agneau. Heureux et saint des invités à ce fest. Quelle grâce. Quel privilège que Dieu t'offre de ne pas finir comme le reste du monde, comme les païens et les dénominations. Il te réserve une part glorieuse dans son royaume, une fin glorieuse dans son royaume, une suite éternelle dans son royaume éternel. Qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'as-tu fait vraiment pour lui? Non, tout cela c'est son amour. Amour qu'il veut voir pleinement opérer en toi aussi. L'amour dont il t'a aimé. L'amour dont nous sommes malades. Que Dieu nous remplisse cet amour. Par le Saint-Esprit qui a été donné. Prions chacun. Près de la croix, garde-moi, là une précieuse fontaine flore, gratuite et guérissante, que le col de mon calvaire à la croix, à toi. À la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que c'est l'autre rêve, avec je t'offrais. Oh, à la croix, à la croix, à la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que c'est notre rêve. Avec être prêt pour fait de la croix au agneau, montrez-moi tes saints. Aidez-moi, marcher toujours, et dans tous ces ans, à la croix, Golgotha, à la croix, agneau, sois ma gloire, à jamais, jusqu'à ce que sur l'autre veille, avec être avec, à la croix, à Golgotha, à la croix, à nous soit ma gloire, à jamais jusqu'à je, parce que c'est l'autre rêve, avec être avec, jusqu'à ce que j'aurai j'attendrai l'autre rêve d'or à la croix Golgotha à la croix à nous soit ma gloire à jamais jusqu'à ce que sur l'autre ou à la croix, Golgotha, à la croix, agneau, sois ma gloire, à jamais, jusqu'à ce que sur l'autre rive, mais je la l'étoile, l'étoile brillante du matin, la brille autour de à la croix, oh mon âme, à la croix, toujours sois ma gloire. À jamais jusqu'à ce que l'autre va faire chauffer. Oh, à la croix, oh, à la croix, à quoi Jésus soit mon croix. À jamais jusqu'à ce c'est l'autre rivala, Dieu merveilleux et tout puissant. Nous te remercions pour la riche communion de ce soir. Où nos cœurs se sont tenus devant toi. Pour se décharger et te parler. Et la prière est une puissance. C'est la solution. Et c'est un dialogue du chrétien avec Dieu. De nous affiancer à toi. Et nous devons parler avec toi. Nous ne sommes pas ennemis. Nous ne sommes pas indifférents. Mais nous devons communier avec toi. C'est pour toi que nous venons ici. C'est pour toi que nous nous rassemblons. Autant que ton église rassemblée dans le monde entier. Oh Père, tu veux produire un enlèvement. Nous ne voulons pas rater ce rendez-vous. Nous voulons être bien connectés. Veillant comme cette église bien serrée. En percevant chaque fille. Et que tu la mettes du courage sur la terre. Dans notre vie spirituelle. Dans notre vie tout entière. Pour que nous soyons hors de nous. Nous puissions renoncer à nous-mêmes. Mourir au vieil homme. Mourir au péché à l'être de l'Église. Mourir au cynique qui te Seigneur. Vivre pour toi qui mourir pour nous. Et nous apprécier par l'exemple. Un amour divin et parfait, un amour éternel irrévocable. Remplis nos cœurs de cet amour. Nous voulons le reproduire pendant ton absence physique. Comme des représentants de Christ, les ambassadeurs et ambassadrices de Christ, reflétant les vertus du Seigneur, reflétant la vie de Christ, reflétant ses bonnes valeurs. Pour que nous soyons, quoi qu'il arrive, nous voulons te représenter. Rends-nous dignes de porter ton nom pour vivre comme ton message. Prépare nos cœurs alors que nous nous préparons aussi nous-mêmes pour rester prêts. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Prends-nous tout entier. Dépouille-nous de tout ce qui est beau. Enlève de chacun de nous tout ce qui n'est pas comme Dieu. Et place à nous la divinité. Ta ressemblance. Au nom tout puissant de Jésus Christ, nous prions ainsi pour ta gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Zanda pambola bino.